on est dans une nouvelle émission de Radio Guimoso, les Ados. Super Camille, bravo. Alors là, ouais. Félicitations. Hein. Première entrée de Camille, ça c'est super, hein. Bravo. Voilà, alors tout le monde va bien aujourd'hui? Oui. Oui. Vous êtes en forme? Oui. Oui. Oui. Oui. À la technique, ça va? Oui. Oui, tu es avec qui, Juliana? Avec Marc. Marc, oui, et aujourd'hui nous avons Marcus. Un invité. Frédéric. Oui, Marcus, si tu veux, oui. Un invité, alors. Frère. Qui est-il? Frédéric. Voilà, eh bien, merci Frédéric d'être avec nous aujourd'hui. Donc, la dernière fois, nous avions une chanson mystère. Et c'était quoi? C'était qui? Je sais plus, je sais pas. Le sauteur qui était mort, là. Oui. Tombé du ciel. Tombé du ciel de. Tombé du ciel. Qui c'est qui chante? Je sais pas. France Gall. Ah non. Non. Louane. Non. Non, c'est Calogero. Un homme. Un homme. C'est pas Calogero, non. Ah, c'était. Il fait que passer l'eau et chaîne. Ouais. Même dans les 7 partout. Oui. Jacques Higelin. Voilà. Et c'est qui avait trouvé? Maman Timothée. Voilà, la maman de Timothée, la dernière fois, a appelé pour nous donner le chanteur et le titre. Donc, elle a gagné sa place pour venir faire une émission avec nous. Ouais. Hein, donc, ce serait bien qu'après les vacances de Pâques, hein, on se mette d'accord avec ta maman et qu'elle vienne partager une émission avec nous. T'es d'accord, Timothée? Ok, ouais. Super. Eh bien, la nouvelle chanson mystère, c'est Frédéric qui l'a apportée aujourd'hui. Donc, Frédéric, bien sûr, on ne dit pas qui c'est, rien du tout. Et bien sûr, tous à vos téléphones au 03 29 62 40 40. Faites exploser le standard de Radio Guimoso. Allez, on écoute. Et si ça peut. Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano de. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux et les soldats regardent à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Il n'y a que pour sa musique qu'il était patriote. Mort, chant d'honneur, quelques notes. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois. Mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelles raisons bizarres, son image a marqué ma mémoire. Ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, il chantait sur des rythmes fous, et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essayer de vivre, essayer d'être heureux, ça vaut le coup. Thank you. Bon, ben voilà, la chanson mystère. Donc, tout au long de l'émission, bien sûr, vous pouvez appeler. Hein. Donc, aujourd'hui, on va découvrir un peu plus Frédéric et son parcours. Parce que Frédéric, qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques jours? Il va partir. Non, j'aimerais que ce soit Frédéric qui réponde. Hein. C'est toi qui t'en vas, Camille? Non, bon. Oh, alors, là, vas-y, Frédéric. Je vais bientôt partir. Tu prends l'avion, Frédéric? Non. Ah, tu vas où, alors? Travailler. Travailler. À New York? Travailler à Port-Sieux. À Port-Sieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Port-Sieux? C'est une ESAT de Belleval. L'ESAT de Belleval. Il y en a qui connaissent ici, l'ESAT de Belleval? Non. Non, je connais pas. C'est un foyer où on peut dormir. Et aussi. Ce serait bien d'attendre que tu parles dans le micro. C'est un foyer aussi pour dormir et c'est aussi pour travailler. Ah, alors c'est ça, Frédéric? Oui. Oui, alors tu nous en parleras un peu plus tout à l'heure. Oui. Mais on va commencer un peu depuis quelques années en arrière, depuis ton arrivée à l'IME. Parce que tout petit, est-ce que tu as des souvenirs quand tu étais tout petit? Oh non. Non? Non. Non? Tu nous avais pas dit la crèche? Ah si, la crèche. T'as été à la crèche, après tu as dû aller à l'école. Je pense ça. À l'école de Martarnel. De Martarnel, après. C'est où, ça? C'était à Éloi. Ah, à Éloi, d'accord. Et après, donc, tu es arrivé à l'IME. Oui. Alors, tu avais quel âge, Frédéric? 7 ans. 7 ans. Donc, ça fait 13 ans que je suis à l'IME. Oh, quel parcours, dis donc, hein? Ça fait 13 ans qu'on se connaît. Ah, d'ailleurs, tout de suite, je vais me reprendre, parce que normalement, je dois te dire vous, Frédéric. Ah, nous avons un appel, donc on interrompt. La maman de Timothée, comme l'habitude. Non. Allô? Oui, allô? C'est Flavien. Ah, Flavien. Alors, Flavien, tu appelles pour la chanson Mystère? Oui, c'est ça. Oui, alors c'est qui? En fait, c'était France Gaël, il jouait du piano debout. Bon, t'es sûr? Oui. Frédéric, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Donc, tu as appelé pour pouvoir venir partager une émission avec nous. Alors, Flavien, t'as gagné un peu. Ah, ouais, c'est ça. Eh ben, bravo, Flavien. Bientôt, on n'arrivera plus à suivre au niveau des invités. Merci beaucoup d'avoir appelé, Flavien. En fait, une chose à dire... Oui. C'est que la chanson-là, on l'avait chantée avec Frédéric. Elle l'avait chantée avec Frédéric. Oui, hier. Oui, chanté. Parce que tu fais partie du groupe de musique. Atelier chant, c'est oui. Ça? Voilà, le groupe chant. Voilà. Ben, Flavien, merci beaucoup d'avoir appelé. Ouais, de rien. Tu fais quoi, là, à cette heure-ci? D'art plastique. Art plastique, super, bien. C'est rigolo, Camille? Ah non, bon. C'est bien, c'est plastif. Art plastif, c'est bien. Oui, c'est bien. Non, art plastique. Voilà, c'est bien. Eh bien, Flavien, merci d'avoir appelé, hein. Oui. Bonne matinée. Bonne matinée. Oui, merci. Au revoir. Au revoir, Flavien. Au revoir. Au revoir. Voilà, super. Alors, on en était où, Frédéric? À ton arrivée. Hein, oui. Donc, 7 ans, ça fait 13 ans que tu es à l'IME. Hein, c'est pour ça qu'on prend des cheveux blancs. Et je te disais justement qu'avant de venir à la radio, on s'était mis d'accord parce que normalement, tu as 20 ans et je devrais te vouvoyer. Or, c'est très difficile de vouvoyer quelqu'un quand on le connaît depuis très longtemps. Oui, oui. Voilà. Et toi, tu m'as dit que tu préférais que je te tutoie. Oui. C'est ça. Bon, voilà. Donc, Frédéric m'a autorisé à le tutoyer. Oui. Ça fait combien d'années, moi, je suis venue à IME? Ça fait déjà, je dirais, 6 ans au moins. Et moi? Oui, oh, bah, on va pas faire tout le tour, à peu près pareil, Steven. On va continuer avec Frédéric, hein. Et d'accord? un peu moins. Et moi? Un peu plus, voilà, ça y est, un peu moins, un peu plus. Je n'ai pas les années exactes là. Hein. C'est moi, c'est Steven qu'on a un peu plus. On peut continuer avec Frédéric? Oui. Hein? Alors Frédéric, Qu'est-ce que tu voulais nous raconter? Livia a directeur Monsieur Moreau. Ah, quand tu es arrivé, il y avait un directeur. Oui. Monsieur Moreau. Oui. Et un chef de service, Monsieur Urbani. Urbani, Monsieur Urbani, qui est venu à la radio d'ailleurs. Vas-y. Une secrétaire, Madame Evelyne. Madame Evelyne, vous vous rappelez d'Evelyne? Oui. Oui. Oui. Oui. C'était une gentille, elle, Evelyne. C'était une gentille? Oui. Ah. Pas une méchante, pas... Et qui c'est qui remplace Evelyne, Timothée? Enseignante. Qui remplace Evelyne? Oui. Qui remplace... Evelyne, c'est... Angéline. Voilà, Angéline, oui. Et qui c'est qui remplace alors Monsieur Moreau? Monsieur Ballon. Non. La directrice. Ah, alors comment elle s'appelle la directrice? Madame Swartenbrooks. Madame Swartenbrooks, oui. Mais entre Monsieur Moreau et Madame Swartenbrooks, est-ce que tu rappelles d'autres qui sont venus comme directeurs? Qui c'est qu'il y a eu d'autres comme directeurs entre Monsieur Moreau et Madame Swartenbrooks? Il y avait Monsieur Rocher. Monsieur Rocher, qui était directeur de territoire, oui. Et Madame Leonardi. Voilà, qui maintenant est directrice générale à l'ADAPI. Voilà. Ensuite, Monsieur Urbani est parti. Qui c'est qui a remplacé comme chef de service? Madame Labrousse. Oui. Et maintenant? Et Monsieur Ballois. Voilà, que nous recevrons aussi prochainement. Ouais. Bon, là, on a fini avec la direction. Oui. On va peut-être partir un peu sur les éducateurs, Frédéric. Alors, qui as-tu comme éducateur à l'IME ou éducatrice? Il y a eu Corinne. Corinne. On n'a jamais trop travaillé ensemble. Oui. Oui, qui c'est? Coralie. Voilà, Coralie, oui. Et puis? Gérard. Gérard, oui. Claude. Géraldine. Ça, c'est les éducateurs actuels. Enfin, Coralie, elle te suit depuis le début. Oui. Hein, Coralie, et puis il y avait qui au moment-là avec Coralie? Et puis Gérard. Voilà, Gérard. Après, Gérard est parti. Il y avait Christine aussi. Tu te rappelles de Christine? Oui. Oui, elle est partie aussi. Mais alors, on peut dire que Coralie, depuis le début, elle te suit. Oui. Oui, t'es d'accord? Oui, oui. Ah oui, hein. Oui, Nathan. Il y avait aussi Marie-Jeanne, il y avait Gaël, il y avait Dominique. Oui, mais là, tu parles de ton groupe, Nathan. Non, là, pas de mon groupe, des autres groupes. On parle du groupe à Frédéric. Bah oui, de nous. Alors, vas-y, Frédéric. Donc là, tu as parlé un peu des gens qui étaient avec toi, hein, le personnel. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, par contre, ton parcours un peu, par exemple, scolaire? Est-ce que tu es allé à l'école quand tu es arrivé à l'IME? J'étais à l'école des Bruyères aussi. Oui, ouais. Alors c'était qui là? J'étais avec Laure. Laure, d'accord, ouais. Et après? Après, j'étais avec Marie. Oui. Au collège. Ah, après il y a eu le collège. Alors le collège d'où? Avant Marie, il y a eu Madame Thierrot, Katia. Oui. Alors ça, c'était... Oh, c'était au collège au Saint-Loup. À Remiremont? Oui. À Saint-Joseph, oui. Qui est aujourd'hui fermé. Oui. Hein? Vas-y, on t'écoute, Frédérica. Après, il était au collège au Toli. Collège au Toli, où les jeunes d'ici sont aussi actuellement. Hein, c'est ça? Oui. Oui. Et? Et j'ai vu Marie. Tu as eu Marie? Oui. Oui. au collège de Tolé. Oui. Ok. Alors, est-ce que tu vas encore au collège, Frédéric? Non. Non, bah pourquoi? Je suis trop grand. Ben oui. Donc, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais à l'IME, alors? Je suis au CIFPRO. Tu es au CIFPRO, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait au CIFPRO? Des ateliers. Des ateliers. Alors, quel genre d'atelier on fait au CIFPRO? MFR avec Aurélie. Oui, tu vas aller MFR. Hein, on a expliqué un peu aux jeunes lundi ce que c'était. Vous allez aller MFR pour faire de la cuisine. Tu as entendu, Steven? Oui. Oui, voilà. Et puis? J'ai préparé avec Corinne la radio. Ah, tu donnes ton emploi du temps, là. Oui, mais ça, c'était exceptionnel, Frédéric. Oui. D'ordinaire, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, lundi, tu as préparé avec nous la radio, mais sinon, tu aurais fait quoi? Sinon, je faisais jardin avec Alba. Voilà. Alors, tout à l'heure, quand tu as parlé des éducateurs du CIFPRO, tu as oublié de mentionner Albin. Si elle écoute, Albin. Alors, tu vois, oui, alors, je crois qu'Albin, s'il écoute, il va être trop content. Puis, alors, Juliana, elle a l'air... Oh, époustouflée que tu aies pu oublier Albin. Albin, qui est aussi un élément moteur sur le CIFPRO. Oui. Parce que qu'est-ce qu'il fait, Albin, aussi? Il fait... Il fait du sport. Ah oui, il fait beaucoup de sport. Et puis, il fait quoi aussi? Nul jardin, espace vert. Oui, tout ce qui est un peu apprentissage technique. Hein? C'est un éducateur technique? Oui. Je crois que là, il ne va pas être content, Albin. Frédéric. Oui, Nathan. Albin, c'est un éducateur qui fait tout. Qui fait tout, voilà. Il est multifonction, Albin. C'est vrai qu'il fait beaucoup de choses. Oui. Il va être en colère après toi, Frédéric Albin. Non, je crois pas quand même. Hein. Pense pas. Allez, vas-y, continue, Frédéric. Tu fais le poids du temps? Oui, tu nous donnes un peu une semaine type pour dire un peu ce que tu fais. Au CIFPRO, quand on est au CIFPRO, parce que là, tu vois, aujourd'hui, il y a 3 jeunes qui sont concernés pour aller au CIFPRO à la rentrée. Donc c'est bien pour eux aussi qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, avoir une idée. Hein? Alors vas-y. On fait art plastique. Art plastique, oui. Avec Coralie. Oui. Oui. J'ai fait vive affective avec Lorenza et Coralie. Oui. Alors c'est quoi vie affective? On fait quoi dans cet atelier? On parle. On parle de tout. Du tout. De tout. C'est bien. Ça te plaît cet atelier? Oui. Oui. Moi je pense que ça doit être intéressant. Ensuite. J'ai fait horticulture avec Albin. Horticulture avec Albin, il faut le dire. Oui. Alors, c'est bien ça? Oui. C'est quoi l'horticulture? Est-ce que les autres, est-ce que vous savez ce que c'est que l'horticulture? Non. Personne? Ah, non. C'est les fermes. Non. Ils s'occupent des ânes. Des ânes? S'occuper des ânes. Est-ce qu'il y a des ânes à l'UME? Non. Non, non. Bah vas-y Frédéric, c'est quoi l'horticulture? Ah, c'est pété. C'est... On plante des sauges. Oui. Est-ce que vous avez remarqué qu'en salle de réunion, il y a plein de plantations? Il y a des choses qui poussent dans des pots. Oui. Eh bien, c'est Albin avec Frédéric. Bravo, Fred. Et d'autres jeunes. Oui. Voilà. Faut faire de la pub, alors. Sans le péter. Steven et Timothée, ce serait bien d'écouter et ne pas parler en plus dans le micro alors que les autres sont en train de parler. Frédéric, continue. Mmh. Après, je fais la musique avec Adrien et Vilili. Oui. Donc là, vous chantez. Oui, l'atelier chant avec la prof de musique. Comment elle s'appelle? Vilili. Ok. On fait du sport avec Aurore. Oui. On fait espresso et cognitif. Expressio et cognitif. Alors, c'est avec qui ça? Avec Coralie et Claude. Oui. Alors, c'est quoi là? On fait quoi dans cet atelier? On parle de corps humain. Oui. Et là, on fait les gestes qui sauvent. Les gestes qui sauvent. Pareil, les jeunes de ce groupe-là, l'année prochaine, ils seront concernés. Oui. On va travailler aussi là-dessus. Vas-y, continue. On fait la zénerie, mais s'arrêter. Oui, alors c'était quoi ça? Il y avait peut-être plus de travail, je crois. Il n'y a plus de travail. Donc à la place, vous faites... Des bouchons handicapés pour 88. Oui. Vous collectez les bouchons et vous allez sur place. À Doncel. Oui, et vous faites quoi là-bas? On trie des bouchons. Oui. Des bouchons blancs et des bouchons de couleur. Oui. Et ils prennent que les bouchons plastiques? Ils prennent des bouchons... Des bouchons? Des bouchons de coca. Oui, que du plastique. Ils prennent pas en métal ou en liège. Les pots de confiture. D'accord. Donc tu vas avec qui? Avec Géraldine. Géraldine, d'accord. Je suis en sport avec Albin. Oui. Et puis je suis à la peinture avec Claude. En peinture, d'accord. C'est bien tout ça? Oui. Ça te plaît? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Camille? Vas-y, dis. Tu veux lui poser une question, Frédéric? Non. Non. Elle m'attend. C'est beau pour ton emploi du temps ou tu as d'autres choses à dire? Et puis, on fait l'autonomie avec Aurélie aussi. Ah, alors c'est quoi l'autonomie? C'était la... Moi, je dis ça, c'est pour... L'année dernière. Ah, c'est l'année dernière. Ah oui, bon, on va parler de ce que tu fais cette année, surtout, hein. Donc là, pour cette année, c'est bon? Oui, t'as fait le tour? Bon. Ok. Alors, question, Frédéric. Ah, tu veux finir? Oui, ok. Alors, vas-y, termine, parce que Frédéric a tout bien préparé. Il y avait une question. Tu avais une question? Non. Non. Alors, vas-y, termine. Ça peut durer quand ça... après. Vas-y, Frédéric. Les stages. Voilà. Parce qu'au CIFRON, on fait des stages. Hein, c'est ça? Oui. Le premier stage. Stage de semaine à l'ESAT. En cuisine, deux fois les filles. Ouais, à Saint-Amé. Oui, à Saint-Amé. Ok. Alors, est-ce que ça t'a plu, ça? Oui. Oui? Ok. Tu faisais quoi, alors, en cuisine à l'ESAT? Épluchure. Épluchure? La plonge. La plonge. Est-ce que tu faisais le service? Oui. Oui? D'accord. Bon, ça t'a plu, alors? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Deuxième fois. Stage deux semaines au foyer Tremplin à cette année. Foyer Tremplin, ok. En cuisine. Alors tu faisais les mêmes choses là ou c'était un peu plus varié? Est-ce que tu faisais la cuisine? Je faisais la plonge. La plonge. T'aimes bien faire la vaisselle, Frédéric? Hein? Est-ce que tu aimes bien? Ah, tout à l'heure, j'ai oublié de dire. Ah. J'ai oublié de dire MHL avec Géraldine. Oh, alors, Géraldine, elle ne va pas être contente. Ah, moi non plus. Non, Frédéric. Ça ne dérange pas? si tu peux faire le ménage, tu vas faire des gens. Les gens te payent pour faire le ménage chez des gens. Comme ça, les gens te donnent de l'argent pour que tu fasses le ménage toute la maison. Faire la vaisselle. Bah, faire partout. Par jour, comme ça, tu gagnes de l'argent. Comme ça. Comme, tu fais comme ma sœur. Ma sœur aussi fait pareil chez les gens. Bien. Frédéric, continue. Ah, attends, il y a Timothée. Hein. Oui. Moi, je vais faire un stage ici. Ah! Alors, Timothée se projette dans l'avenir. Mmh. Et lui, s'il doit faire un stage, c'est à la radio. Oui. Alors, très bonne idée. Tu négocieras avec Marc. Hein? D'accord? Oui. Voilà. Bon. Là, oui. Moi, je veux faire un stage aux pompiers. Pompiers, d'accord. Ah. Bon. Police, moi. Ouais. Bon. On peut continuer avec Frédéric? Vas-y, oui. Frédéric. Aux premières semaines, cuisine que le matin et l'après-midi, levé à l'IME. Oui. Et en deuxième semaine, je cuisine le matin et le midi, le dimanche et activité au foyer du jour jusqu'à 16 heures. Donc c'était en demi-journée tout ça. Hein? Oui. Ok. Après, on retourne en cuisine jusqu'à 18 heures, sauf le premier jour à 19 heures. Troisième stage, deux semaines à l'ESAT à Saint-Amé, STI, deux fois que j'ai fait. Ouais. On fait des gobelets. On colle les étiquettes sur les poussements. Ça, c'est tout ce qui se fait à l'ESAT. Oui. Ok. C'est pour aller à l'hôpital. Et quatrième stage de semaine à l'ESAT de foyer de Belleval au conditionnement. Voilà. Et là, alors là, tu as été en stage et. J'ai fait deux fois. Oui. En plus, j'ai retourné à Belleval pour deux semaines conditionnement et fromage, jury. Oui. Et j'ai eu trois semaines en plus. Et Belleval, ils sont contents de moi. Ils me prennent pour toujours. Je lui dis bientôt au revoir à l'IME de Saint-Amé. Je dis bientôt au revoir à l'IME de Saint-Amé. Eh ben oui, Frédéric va nous quitter. Hein? Frédéric? Ah, Timothée. Bon, allez, on va passer une chanson. Oui? Frédéric, est-ce que des fois tu viendras visiter l'IME des fois quand tu... pour nous voir des fois? Et je sais pas là. Il va faire un départ. Il va faire un pot de départ. Mais il aura peut-être pas le temps de venir nous voir. Tu sais, il va être surbooké, hein, bon, Frédéric. Oui, hein. Oui. Oui, Juliana. Je suis triste que tu partes, Frédéric. Moi aussi. Moi aussi, Frédéric. Moi aussi. On peut pas jouer un ordinateur, Frédéric. Si moi, tu gagnais un ordinateur pour lui faire des papiers tous les jours, tu serais content. Ben oui, mais oui. Tu sais, il a 20 ans. Un jour, il faut partir. Hein. Moi, je pars ici. Toi, tu pars ici. Tu crois qu'il y a des chambres à Radio Gamozo? Non. Ben non, hein. Corinne, oui. Est-ce qu'il a un son diplôme, Frédéric? Quel diplôme? Est-ce qu'il est mieux qu'on parle des diplômes? À l'IME, on peut avoir des diplômes. Ah, est-ce que tu as passé des diplômes en étant à l'IME? Avec Frédéric. Oui, le diplôme de pêche. Le diplôme de pêche? Non, pas le diplôme de ça. Le diplôme que tu portes. Tu veux dire quoi, Nathan? Le diplôme quand tu as fini l'IME, quand tu t'en vas. Ah, il faudrait instaurer un diplôme alors à l'IME. Ah oui, quand comment on quitte l'IME, les voilà. Je sais pas. Un diplôme de remerciement? Un diplôme de quoi tu veux faire, Nathan? Quand tu finis tous les travaux de l'IME et quand tu t'en vas, vers 20 ans, quand tu vas partir, quand tu quittes. Un diplôme de fidélité, peut-être, hein? Parce que 13 ans, dis donc, 13 ans passé oui. À l'IME, hein? C'est ça que tu... Eh bien, écoute, il faudrait peut-être en parler à Coralie. Hein, bah oui. Qu'elle fasse remonter ça. Un diplôme quand on quitte l'IME.

Allez, on continue avec Frédéric. On a plus beaucoup de temps. Ça passe vite, hein, quand même, une heure. Hein. Oh oui. Vous pouvez pas. Ça ne pourra pas finir à midi. Pas alors, cool. Comme Frédéric part en internat, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'internat? Qui a une question? Ah, Juliana, alors. On va te manquer? Non, c'est pas ça le but, Juliana. Un internat, c'est quoi? Bah, c'est on dort là-bas. Oui. On voit les enfants qui sont pas sages. Ah bon? Quand on va en internat... Or, Frédéric, tu n'as pas été sage? Si. Christopher, il dit on envoie les enfants qui sont pas sages. Mais internat, c'est comme on enlève les enfants qui ont fait le bordel, qui ont frappé des gens, tout ça. Oh là là, mais tu confonds avec autre chose, toi, Christopher. Ah, est-ce qu'on fait avec ta pension? Avec quoi? La pension? Moi, je sais. Ah, ça, c'est ce qu'on disait il y a quelques années, la pension. Mais l'internat, c'est pas négatif du tout. Alors, Marc, est-ce que tu es déjà allé en internat? Non, à part à l'armée. Ah, alors est-ce que tu as des mauvais souvenirs? De l'armée, oui. Non, mais mauvais. L'internat, c'est pas négatif du tout. Moi, j'y suis allé des années en internat, et c'est super l'internat. Pourquoi? Il y a une même course là. Frédéric. On dit que les paroles la semaine. Ah bah oui, on doit quitter ses parents la semaine. Oui, Juliana. Il y en a qui sont méchants à l'internat. Il y en a qui sont méchants à l'internat. Méchants. Tu peux un peu développer, Juliana? Il y en a qui se moquent de nous, qui font plein de bêtises, tout. Qui prennent la drogue. Alors, Christopher, c'est toujours les extrêmes. Bon, il va jeter la poubelle. Bientôt à la colo. Ah bah tiens. Nous avons un témoignage. Steven. Alors, Steven, il va aller en colo. Alors, ça en veut dire... En colonie de vacances. Alors, on laisse parler Steven. Okay. Madame Félix, il a dit on doit choisir une colo de je veux. Moi, j'ai choisi dans la forêt pour faire du vélo. Dans la forêt. Donc, ça veut dire que Steven, pendant une semaine, mettons, c'est comme si tu étais en internat. Parce oui. Que tu vas faire quoi? Du vélo. Le soir. Tu dors. Tu dors, tu rentres pas chez toi le soir. On va faire des soirées le soir aussi. Voilà, en internat, il y a des veillées aussi. Oui. Bon, ça, c'est bien aussi. Et puis, on se fait plein de quoi? Des copains. Des copines. On danse. On danse. Tu danses la nuit en internat? Ouais. Non. Nous, avant, j'étais en colo, on mangeait des compotes, mais on fallait faire qu'on était comme un cochon, on en mettait partout. Bah, non, alors ça, c'est pas bien, par contre. Là, non. La compote. Frédéric, toi, pourquoi tu es content de partir à Belleval? Qu'ils sont contents de moi. Parce qu'ils sont contents de toi, mais toi, ça te plaît quand même. Oui. Oui? Donc, tu vas quitter tes parents. Oui. Est-ce que tu as déjà quitté tes parents? Non, c'est la première fois. Oh, Frédéric, tu n'es jamais parti de chez toi? Tu as déjà été en séjour quand même. Oui. Oui, tu as fait des séjours. Mais tu n'es jamais parti très longtemps. Oui. Oui. Donc là, ça doit quand même être difficile, non? De quitter ses parents. Oui. Oui. Alors tes parents, qu'est-ce qu'ils disent, eux? Ils sont contents aussi. Ils sont contents pour toi? Bah oui. C'est super hein, de trouver une place comme ça, en ESAT, en internat. Hein. Mais ne t'inquiète pas, Frédéric, tu rentreras les week-ends. Pas tout le temps. Ah. Il reste une week-end, un sur deux. Un sur deux, tu restes là-bas. Oui. Alors là, ça va pas être trop long? Non. Non? Des fois, ça va vite. Des fois, ça va vite? Ah. Mais après, tu feras des activités le week-end, sûrement qui prévoient des choses, non? Oui. Et des sorties. Même la semaine, des sorties. C'est bien, tu seras avec des jeunes de ton âge. Oui. Hein? Oui. En internat, on peut faire du sport, on peut aller à la piscine, on peut faire du vélo. Pourquoi on fait pas ça à l'IME? Si. Bah, si. Mais on fait plus trop de vélo. Bah, parce qu'on n'a pas forcément le temps. C'est ça, Frédéric? Oui, déjà, vendredi, on est en sortie. Vendredi après-midi. Vendredi qui vient, là ? Oui. Ah, vous allez où ? En vélo. En vélo, avec qui ? Avec Alba, puis de Coralie. Ah, oui, Juliana. Frédéric, dès que tu pars chez toi, tu vas fêter, tu vas boire un coup avec tes parents ? Je sais pas. Oui, il va ouvrir une bouteille de whisky, il va faire... Pourquoi du whisky, Christopher ? C'est parce qu'il est grand. Ah, parce qu'il a 20 ans, alors il peut boire de l'alcool, c'est ça que tu veux dire ? Oui, c'est 18 ans. Qu'est-ce que tu dis, toi, Frédéric ? Il ne boit pas d'alcool. Il ne boit pas d'alcool. Dans l'alcool ? T'as pas l'âge de boire... non, t'as le droit de boire de l'alcool ? Non, il n'est pas, oui. Ah. Oui, c'est toi qui ne veux pas, mais sinon tu pourrais. Oui. Tu es en âge de boire un... Et moi, je ne peux pas boire de l'alcool avec mes médicaments. Voilà, oui. Oui, Timothée. Tu bois souvent du coca à la maison ? Oui. Belle coca, moi, maintenant. Oui, Nathan, tu voulais dire quoi ? Tu peux boire de l'alcool, mais pas tout le temps. Des fois, mais pas beaucoup. Un petit verre, mais pas beaucoup. Un petit verre, qui dit Nathan. Un petit verre comme ça, après, c'est un gros. S'il a pas envie, laisse-le. Bon. Ben, s'il a pas envie. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec Steven. Moi aussi. S'il a pas envie. Il a pas envie. Eh ben voilà. S'il a pas envie, lâche-le. Oui, attends. Tu peux même boire une bière sans alcool aussi. Hein. Ah, alors la bière sans alcool, Frédéric. J'ai déjà goûté, mais... T'aimes pas ça ? Non. Moi, j'aime bien. Donc, tu n'as jamais bu un verre d'alcool ? Elle aimait pas ça, là. Et t'as S'il vous plaît, on pose des questions. On n'a même pas le temps d'avoir les réponses que vous posez une autre question. J'arrête pas de regarder ça. Vas-y. Avant, il y a goûté la colle. Ah, tu as goûté quoi, Frédéric ? De la bière, du vin ? Non, ce que les femmes qui aiment bien. Du rosé ? C'est les femmes qui aiment bien ça ? Oui. Je sais pas, moi. On va pas faire de la Ricard, pub. Mais... Un Ricard ? Un Ricard ? Ah, les femmes, elles aiment bien le Ricard ? Oh non. Non, c'est pour rigoler qui. Il y a des noix à coco, je crois. Il y a quoi ? Noix à coco ? Ah, du truc à la coco. Du Malibu. Oui, il a goûté ça. Puis alors, t'as pas aimé ? Si, la goutte. Celui-là, ça va. Ah, ça va, ça. Ah, et okay. La goutte ? La goutte. Pas bon. Non. Le petit goutte. Ça t'excite, la goutte. Est-ce que t'as déjà bu les petites bouteilles, là, sans alcool, là, tu sais, les bouteilles comme ça, vert, là. Et bouteilles vertes sans alcool. Oui, c'est des petites bouteilles, hein. En fait, c'est... Donc oui, partout. Moi, j'en connais. Je vois même pas ce que c'est. Alors, si, je sais c'est quoi les bières là. C'est des petites bières. Il y a de l'alcool. C'est sans alcool. Et c'est avec un frit dedans. Il y a un frit. Ah. Bref, Frédéric vous a dit qu'il avait déjà goûté. Et une cigarette. Ah, est-ce que tu as déjà touché aux cigarettes ? Non. Non. Oh. Vous avez d'autres questions pour Frédéric ? Non. Une femme. Pour Frédéric. Non. Alors t'as encore plus haut. Christopher, j'aimerais que tu restes poli. Ok. Oui, Timothée. Est-ce que t'as des amis ? Ah, est-ce que tu as des amis ? Oui, des copains et des copines. Oui. Alors des questions, Timothée. Bah, c'est une très bonne question. C'était ma question. Ah, c'était ta question. Oh, bah mince alors. Mais c'était bien vu, Timothée. Ouais. Ah, Juliana. Est-ce que t'as des animaux de compagnie ? J'ai un chat. Je le savais. Et puis il y a des poissons. Est-ce que t'as des frères et sœurs ? Moi aussi, c'est un poisson dans ma chambre. Alors, Frédéric, est-ce que tu as... Attends, après. Est-ce que tu as des hobbies ? C'est quoi ? Ben, des passions. Des choses que tu aimes faire. Il aime bien écouter de la musique. Ah, il aime bien écouter de la musique. Et puis ? Il aime bien jouer de la console. Jouer à la console. Et faire des pompes ? Je crois que tu as des amis, là, hein, sur le plateau. Hein. Oui ? J'ai vendu la PS4. J'ai acheté une Wii blanche. Une Wii ? Nathan, pourquoi t'as vendu une Wii blanche ? Frédéric, pourquoi t'as vendu la console ? T'aurais vendu de l'avance, ce serait rare. C'est très rare, les PS4. Mais pourquoi ça coûte cher partout, hein. Nathan, arrête. Ça coûte cher. Oui, ça coûte j'ai cher. Vu qu'ils vont faire un PS pour une PS4, il aura déjà pas vendu. PS5 qui vont sortir. PS5. Non, c'est pas ça, c'est faux. Bah, tu sais, moi, ça ne m'illumine pas trop parce que je n'y connais rien. Frédéric, en PS4, en oui, en machin. Oui, Timothée, vas-y. Moi, j'ai deux chats. Hein? Comme moi, Timothée. T'as vu des fantômes? Oui. Ah, c'est bon, j'aime bien. T'aimes la fête. T'aimes bien le champomy? Oui. Moi, j'ai déjà goûté, c'est trop bon. Alors, Frédéric, maintenant, tu as parlé de tes hobbies, de ce que tu aimais et tout, mais qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout? On laisse parler, Frédéric. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Un truc vraiment... non, ça va pas, ça passe pas. C'est... Vas-y. Ici, je leur demande à tous s'il y a un truc qu'ils aiment pas, ils auront tous quelque chose à me dire. Il y a une pain du bleu. Tu aimes pas le bleu? Le bleu. Le fromage bleu. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Juliana? Pas le fromage bleu. Moi non plus, je n'aime pas le fromage bleu. C'était pas du fromage bleu. Bah, c'est un peu. Toi, le Roquefort. Tu vois ce que c'est? Bah, ouais. C'est ça. J'adore le Roquefort. Oh. Voilà. Oh. Le Roquefort et le bleu, il y a une pain parce que c'est du moisi. Moi, j'aime pas le bleu parce que c'est du moisi. T'as trouvé ma réponse. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, Frédéric? Ouais, moi aussi. On s'écoute. Est-ce qu'il y a autre chose que tu n'aimes pas? Ah, comme des légumes, je voulais. Des légumes? Il y a quelque chose, j'ai tout ouvert. C'est du chou. Bruxelles. Des choux Bruxelles, ça vient. Des choux Bruxelles, oui. Moi non plus, j'aime pas ça. Pas trop, parle-moi. Juliana, t'es pas obligée de parler si fort dans le micro. Le moi non plus, j'aime pas le ça. Comté, oui. Le comté, oui. Ah. Oui, bon, on va pas faire le tour de tous les aliments. Hein, c'est bon. Et est-ce qu'il y a autre chose? Passer les aliments, hein. Parce que dans ce cas-là, on va faire la choucroute, le brocoli, on va tout faire. Ah ouais. Match de foot. Je ne joue pas dans le foot. Non, on a regardé les matchs de foot. Est-ce que tu es un passionné de foot? Je regarde des fois. Des fois. Les Français, les Allemands. Quand c'est la France. Quand c'est la France. Ah, et quand c'est les Parisiens. Ça. Moi, quand c'est la France aussi, je regarde des trucs comme ça. Hein, par hasard. Et sinon? Ah, Juliana. C'est quoi ton équipe que t'aimes bien? Il vient de le dire, Juliana. La France et Paris. Ah ouais, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, ils jouent ce soir. Ils ont pas gagné là début de semaine. Oui, contre Monaco, 7-1. 7-1. J'essaierai de regarder. J'aime bien la France et Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Oui. Moi la France. Moi aussi. Toi aussi, Timothée. Paris Saint-Germain et France. Tu regardes le foot chez toi? Les États-Unis. Moi j'en regarde le foot. Bien. Oui. Est-ce que, Frédéric, t'aimes bien la France et les États-Unis? J'aime pas les États-Unis, mais j'aime bien l'Italie. Ah, t'aimes moi aussi, l'Italie. Mais là, attendez. Est-ce que tu parles, Nathan, d'une équipe de foot, là, ou d'un pays, tout la simplement pays. D'un pays, voilà. Est-ce que t'aimes bien aussi? Il n'a jamais été. T'aimes bien New York? Il n'a jamais été. Ah bah, New York, c'est une grande ville. Est-ce que tu as déjà pris l'avion? L'idée a fait le baptême de l'air. Ah, tu as fait le baptême de l'air. Que j'ai eu un diplôme. Parce que tu as surmonté ta peur. Oui, Juliana. Est-ce que tu as déjà pris le métro? Oui, quand j'étais à Paris. Ah, Frédéric est allé à Paris. Avec mamie et puis mon papy. Ah, alors qu'est-ce que tu as été voir à Paris? J'étais voir le musée de Grévin. Bien, belle sortie, Frédéric. Ça fait longtemps. Merci, Timothée. Oui, le musée Grévin, c'est tout? Oui. Oui? Ok. D'autres questions à Frédéric? Non. Oui. Frédéric, tu sais parler en italien? Non. Tu sais, toi, Nathan? Non. Tu avais fait de l'anglais au collège? Oui. Oui? Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots en anglais? Yellow. Oui. Goodbye. Ça veut dire quoi? Goodbye. Ah, goodbye. Ah oui. Ah, goodbye. Vous comprenez tout ça? Hello, how are you? Un mot que j'ai jamais entendu. Ça veut dire bonjour. Timothée, il a une question à te poser. Vas-y, pose-lui les questions. Are you? Oh, are you? How are you? Ohio. Ça veut dire quoi? Comment vas-tu? Ça alors, va. Alors toi, tu réponds en anglais. Et, alors comment on répond? Comment on répond, yes. Timothée? Yes. I'm fine. I'm fine. Ça veut dire je vais bien. Tu as fait combien d'années d'anglais, Frédéric? Au collège. Oh. Tu sais plus? Je sais plus. Moi, je sais. Oui. You buy en anglais. Oui, ça, c'est de l'anglais, oui. One buy. C'est en anglais aussi, one buy. Mais bon, alors, Frédéric, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, donc, quand est prévu le départ à Belleval? Je ne sais pas, je verrai ça demain. Ah, tu vas savoir ça demain. Je retourne à Belleval. Demain, tu y retournes? Ok. Alors, est-ce que ça veut dire que à la rentrée, tu pourrais très bien ne pas être là? Peut-être. Parce qu'ils ont besoin de toi tout de suite? Ils ont de la place. Ah, ils ont de la place. Mais il faut saisir la place, alors. Alors, est-ce que tu as déjà commencé à préparer ta valise? Non. Non, ah, ça veut dire que tu n'es pas trop pressé de partir. Hein. Est-ce que c'est toi qui vas préparer ta valise? Oui. Oui? Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu vas emmener, auxquelles tu tiens et que tu as besoin, enfin, qu'on peut avoir besoin quand on est en internat? Un ordinateur? Ordinateur. Tu vas emmener un ordinateur? Non, non. Non. Non. Moi, je l'aurais fait bon. Oui, Juliana. Tu vas emmener ta Wii? Non, non. Ah. Qu'est-ce que tu vas emmener de particulier? La valise. Ah bah oui, c'est sur une valise, oui, oui. Je sais. Mais est-ce qu'il y a un objet particulier que tu vas mettre dedans? Le matelas. Un matelas. Un matelas. Est-ce que tu crois qu'il doit emmener un matelas pour aller à l'internat? Avoir une bonne couverture matelas. Ben non, parce qu'il y a déjà ça à l'internat. Les matelas, ils y sont déjà. Le lit et le matelas, ils sont déjà. Oui. Alors? Bah, un portable. Ah, un portable. Oh, ah, ça, c'est important. Un téléphone. Bah oui, hein, que tu puisses appeler chez toi quand même. Oui. Mmh. Est-ce que tu vas emmener des photos? Oui. Oui. Est-ce que tu vas avoir internet? Attends. Les photos? Alors, la photo de qui? Les photos blablabla. Bla, bla, bla. T'es pas obligé de répondre, Frédéric. T'as pas envie d'emmener la photo de quelqu'un ou... Non. De tes parents ou... Non? Non. Non. Tu les prendras en photo, tu les auras sur ton téléphone. Hein? Oui. Oui. Comment tu fais pour mettre des jeux et pour avoir Google Play Store? Ben, il faut, soit tu as de la 4G dans ton téléphone, Frédéric. Oh. Frédéric, je crois que ça t'intéresse pas trop, ça, Nathan. La 4G et tout ça, bon. La 4G. Timothée et Steven. Télécom. Qui passe partout. Je donnerai des nouvelles à Flavia, tout ça. Ah, tu appelleras quand même à l'IME? Oui. Ah, c'est bien ça. Tu nous diras un peu comment ça se passe? Oui. Hein? Bon, ben, c'est bien, c'est bien. Oui, Steven. Tu vas nous appeler quand tu auras ton propre téléphone? Et il a un téléphone. Bah, il a, ah. Je l'ai. Ah. Ah tiens, Frédéric, tu l'as eu à quel âge, ton portable? Pas. Quoi? À quel âge tu l'as eu? Ça fait pas longtemps ou alors... Ça fait déjà longtemps. Ah, ça fait pas longtemps. Ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps. Est-ce qu'à tes 15 ans, tu l'avais déjà? Je sais ou alors 16 ans? Oui, à peu près. 12 ans? Non. Ou 13 ans? À peu près. À 12 ans? Je sais plus. Non, pas envers tes 16 ans, non? À 17 ans? 12, 13 ans. Ça fait pas un peu tôt, 12, 13 ans? 14 ans? Toi. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà un portable? Non. Arlinda? Allô? Mais Marlinda, elle a quel âge, Nathan? 17 ans. Oui. Nicolas, il a dit, Nicolas, il va avoir un portable, il aura un portable, Nicolas, il a dit, il va en avoir. Mais il faut qu'il passe son brevet. Hein. pour avoir un portable, il faut avoir un brevet. Nathan, tu écoutes ce que je te dis. Il faut avoir un brevet pour avoir un portable. Bah, soit tu passes ton brevet, soit tu passes pas ton brevet, tu peux l'avoir quand même. Frédéric, est-ce que tu as passé un examen pour avoir ton portable? Non. Ah oui, examen. Mon frère, il a passé son examen pour avoir son téléphone. Non, mais voilà, ce qu'il voulait dire, Nathan, hein, j'ai compris, mais c'était pour vous faire rire un peu. Nathan, ce qu'il voulait dire, c'est que son frère, il a dû avoir le brevet des collèges ou... Le brevet de lycée. Du lycée? Oui. Ah, le bac alors? Oui. Voilà, donc voilà, il a obtenu un diplôme, donc en récompense, il a eu un portable, c'est ça? Voilà. Bonjour Lauréat, 15 ans de téléphone. Une fois, il est fait à l'ACSR 2. Ah, tu as fait le 1 et le 2. J'ai pas fait le 1, j'ai fait que le 2. Oui. Et je l'ai eu. Oui. Tu te rappelles de ta note? Je crois que j'ai fait 12 ou 13. C'est bien, bravo. Hein. Quand Claude m'a dit la bonne nouvelle le soir, j'étais très content. T'es très très content. Mmh. Bah ici, sur le plateau, il y en a qui sont très contents aussi, parce qu'ils l'ont eu aussi, la SSR. Hein? Wow. Steven, Juliana et Nathan. Florine, non. Oui, Nathan, c'est pas très sympa là ce que tu fais. Bah oui, hein? C'est pas grave, il en repassera une autre fois peut-être. Bah voilà, hein, on dit ça. Hein. Alors il est 58, donc on va surtout remercier Frédéric d'être venu partager cette émission avec nous. Merci. Merci puis, Fred. Lui souhaiter quoi? Merci, Fred. Tout plein de bonnes choses. À l'ESAT de Belleval. Tout plein de bonheur pour toi, Fred. On t'aime bien. Merci. On t'aime bien, Créfort. Tu vas nous manquer. Et comme on dit, bonne route. Bonne route. Hein? Bonne route. S'il vous plaît, on ne parle pas tous en même temps. Et on va dire seulement que l'on se retrouve seulement dans 15 jours. Donc, je crois que ça fera vers le 9 mai, Marc, il me semble. Non, c'est les vacances. Ou peut-être pas avant. Ou... C'est le 7 qu'on reprend. Si c'est dans 15 jours, c'est le 3 mai. Le 3 mai. Oh bah. On est en vacances encore. C'est le 16 qu'on reprend. C'est le 7. Ah oui, bah non, ça fait 3 semaines, Marc, oui. C'est le 7 qu'on reprend, Corinne. Oui, bah ce sera le 9. Désolé, j'ai mal calculé mon truc. Le 7. Voilà, et bon, merci tout le monde et bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.